إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد بن عبد الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. Donc aujourd'hui je voulais parler, le sujet d'aujourd'hui concernant comment est tombé l'empire abbasside, Dawla al-Abbasiyya. Mais avant de parler de cela, les gens ne connaissent pas c'est quoi les Abbasides et tout ça. On va parler de l'origine de tout cela, les origines de ces monarchies qui sont arrivées après les califes. Comme vous savez, mes frères et sœurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est décédé, c'est Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu qui l'a succédé, qui est devenu le premier calife de l'islam. Et d'autres qui l'ont succédé, comme vous savez tous, Omar, Othman en troisième et Ali en quatrième radiyallahu ta'ala anhum ajma'in, qu'Allah azza wa jalla les agréé. Donc c'était des califes. On appelait ça al-khulafa Rachidin, les quatre, qui sont bien guidés. Ahlur Rashad, yani les gens qui sont guidés. C'était des califes, comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith qui est authentique, vous aurez des califes qui vont diriger après moi pendant 30 ans. Yani min ba'di 30, ay 30 sana. C'est-à-dire qu'ils vont diriger pendant 30 ans. Puis après, il y avait Al-Hassan, qui est le fils de Ali ibn Abi Talib, radiyallahu ta'ala anhu. Retenez bien les noms, c'est très important. Les noms, c'est bien de les retenir, ces noms-là, parce qu'ils vont revenir souvent. Et Al-Hassan, radiyallahu anhu, il va diriger que pendant 6 mois. Pourquoi? Parce qu'il y avait des troubles. C'était une époque où il y avait une grosse fitna. Ils divergeaient, il y avait beaucoup de divergences, il y avait des gens qui s'entretuaient. Donc, Hassan, il a dirigé pendant 6 mois le pouvoir, c'est tout. Et ça faisait en tout, comme ils ont dit les historiens, ça fait 30 ans. Comme il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous aurez des califes qui vont diriger après moi, pendant 30 ans. Min ba'di 30. C'est-à-dire, le dernier calife qui a été en islam, ça a été Al-Hassan, et il a dirigé pendant 6 mois. Donc il y avait une période de prophétie où il y avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis après une période de califat, de calife, puis après il y a la période des rois. Comme il dit sallallahu alayhi wa sallam, vous aurez des rois, malikan, azzan, des rois mais qui mordent, azzan, c'est-à-dire des rois pas trop gentils, yani, on va dire ça. Des rois, yani, il y aura de la justice et il y aura de l'injustice. Donc, des rois, c'est-à-dire une monarchie. Dans l'année 41 de l'Hégire, mes frères, Hassan, le fils de Ali ibn Abi Talib, il décide de se retirer. L'année 41, Hassan, il décide de se retirer et de laisser la place à Muawiya, le fils de Abu Sufyan. Vous connaissez tous Abu Sufyan. Abu Sufyan, c'était un compagnon qui a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Katab al-Wahy, il a écrit le Coran. Et il est devenu dirigeant de la Mecque après la mort d'Abou Lahab en l'an 3 de l'Hégire et après la bataille de Uhud. En l'an 3 de l'Hégire après la bataille de Uhud. Yani comme c'est là qu'il y a commencé à avoir des divergences et tout ça, El Hassan, il s'est retiré pour l'union de la Ummah. Et ils disent même, les historiens, c'est pour un intérêt qui est général. Un intérêt qui est général. Hassan, il s'est retiré, mes frères. Il a abandonné le poste de calife. Mais pourquoi il a fait ça, mes frères? Il a fait ça pour un intérêt qui est général, pour l'union de la Ummah. Vu l'importance de l'union, mes frères, vu l'importance de l'union, il a délaissé le pouvoir pour cela. Car des gens s'entretuaient, il y avait des groupes, il y avait des gens qui sortaient les uns contre les autres et qui fondaient des armées contre les autres. C'était une fitna, c'était une période de trouble. C'est pour ça qu'il y a eu des erreurs de. On ne parle pas des sahabas et des compagnons qu'ils ont le litige qu'il y a eu entre eux. On prend pas de camp. Lui, il a raison, lui, il a tort. On reste neutre sur cela, mes frères, pour pas parler des compagnons. Pourquoi? Parce que les chiites, la secte des chiites et les non-musulmans, ils prennent des espèces d'avis et tout ça pour salir les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ainsi de suite. Donc, El Hassan, il s'est retiré pour l'union de la Ummah, pour un intérêt général. Donc, Muawiya, le fils d'Abu Sofiane, Muawiya, le fils d'Abu Sofiane, ça devient un roi, Malik. Mais, ils ont, cette année-là, quand El Hassan, yani, dans l'année 40, juste avant, Hassan a fait le bay'a à Muawiya. Il a laissé le pouvoir à Muawiya, et il lui a fait bay'a. Et ça a été Aam al-Jama'a. Ijtima' al-Kalima. Ça a été l'année de l'union. Les gens, ils se sont unis. Donc, Muawiya, qui est au pouvoir, ça devient la monarchie des Omeyyades. Ça devient les Omeyyades. Al-Amawiyoun. Ils ont dirigé la Ummah, cette communauté, ils l'ont dirigée de l'année 41 de l'Hégire à l'année 132 de l'Hégire, c'est-à-dire à peu près 91 ans. Et lui, Muawiya, radiyallahu ta'ala anhu, qu'Allah l'agrée, Muawiya, il a fait un ijtihad. C'est pour ça qu'on ne parle pas de leurs défauts, on ne les critique pas. Il a fait un ijtihad, c'est un effort d'interprétation. Il pense que c'est un bien pour la Ummah. Pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup de troubles à cette époque-là. De désigner Yazid, son fils, qui prendra le pouvoir. Et c'est pour ça qu'il y avait un compagnon, Abdullah ibn Zubayr, il n'était pas d'accord pour cela. Donc il y avait une divergence entre Abdullah ibn Zubayr. Et c'est pour ça que les Khawarij disent quoi? Abdullah ibn Zubayr, il est sorti contre Yazid, il est sorti contre Kada, donc c'est permis de sortir contre les gouverneurs. C'est faux, ça. Sahabi, ajtahada, il peut avoir raison, il peut se tromper. C'est un sahabi. Donc, on ferme la parenthèse sur cela. Donc, vous comprenez, les frères, vous suivez un peu, là. C'est un peu difficile. Barakallahu fikoum. Donc, ça s'appelle les Omeyyades. Et, Al-Maqdisi, rahimahu Allah ta'ala, Al-Hafidh Abd al-Ghani, Al-Maqdisi, il a dit, Khilafatuhu sahiha. Son calife, il est authentique à Yazid. Pourquoi? Parce qu'il y a 60 compagnons qui lui ont fait la bay'a à Yazid. Et Ibn Khaldun, rahimahullah, il dit quoi? Il y a la maslaha. Fishtima an-nas. C'est un bien, yani, pour l'union des gens. Maslaha, c'est quelque chose de bien. Bittifaq ahl al-hal wal-aqd. Yani, les élites, ils étaient unanimes sur la bay'a de Yazid. Donc ça devient une monarchie. Parce que les élites, ils ont devenu quoi? Ils ont dit que c'est bon, Yazid, il devient le gouverneur. Donc, barakallahu fikoum, cette divergence qu'il y a eu entre les sahabas, on rentre pas, on prend pas un parti contre l'autre et ainsi de suite. Non, on raconte les choses comme ils ont raconté nos savants, comme ils l'ont édité, nos savants, ils l'ont écrit. Donc après, il y aura dans les Omeyyades, il y aura bien sûr Omar ibn Abdelaziz qui est connu, qui était l'un des meilleurs califes. C'était l'arrière-petit-fils de Omar ibn al-Khattab, radhiyallahu anhu. C'était une référence. C'était quelqu'un de pieux, Omar Ibn Abd al-Aziz. Il était pieux, il avait peur d'Allah Azzawajal. À son époque, il n'y avait pas beaucoup de pauvres, tellement il donnait l'empire, il était riche, il n'y avait pas de pauvres, il n'y avait même pas de comment vous dire ça. Il y avait, il disait même que il cherchait des pauvres pour faire leur sadaqa, tellement il n'y avait plus de pauvres. Dans le règne de Omar ibn Abd al-Aziz, radiyallahu ta'ala, anhu. Donc les Omeyyades, leurs ancêtres c'était qui? C'est Omeyya. Yani Muawiya, fils d'Abu Sufyan, fils de Harb, fils de Umayya. C'est une descendance. Comme quand on a fait l'histoire, les Mérovingiens, qui est la référence de Mérové, et les Carolingiens, qui est la référence de Charlemagne. Donc, puis après, les Abbasides prennent le pouvoir. Prennent le pouvoir, car ils voyaient que les Omeyyades sont inacceptables, ils sont injustes, ils sont incompétents, parce qu'il y avait des bons et des mauvais. Et dans l'Empire Abbaside, il y avait des califes faibles, entre les mains de l'armée, ou les familles riches et puissantes qui les contrôlaient, et ainsi de suite. Dawla al-Abbasiyya. Donc voilà, c'était une introduction, juste pour connaître les dynasties. Puis après, il y avait l'Empire Ottoman, Dawla al-Othmaniyya. Juste pour me... Dawla al-Umayya, c'était à Damas, leur capitale. Et les Abbasides, leur capitale, elle était à Osmo, à Bagdad. Et l'Othmaniyoun, leur capitale, était à Istanbul. Donc voilà une introduction concernant l'histoire des musulmans. فتعالوا معي مع أكثر الأوقات صعبت على هذه الأمة لو جمعت كل آلام مسلمين العالم لهذه الأيام لم تشبه جزءا مما حدث للمسلمين تحت حكم المغول تحت حكم المغول. Maintenant on va parler un peu de ce qui fut la période la plus difficile, mes frères, de cette communauté qui a traversé. Ils ont traversé des moments qui étaient très très difficiles. Si on rassemble toutes les souffrances, mes frères, du monde musulman actuel, cela n'est pas comparable avec une partie de ce que la communauté musulmane a traversé sous l'empire des Mongols. Les Mongols qui est en dessous de la Russie, la Mongolie là-bas, qu'ils ont aucune civilisation, ils n'ont pas d'histoire, ils n'ont rien, ils ont été... c'est pas comme l'Égypte, comme Bagdad, tout ça, l'Irak, Babylone. Il y a des civilisations, il y a des choses qui ont été faites. Non, les Mongols, ils avaient aucune civilisation. Ils étaient inconnus. Voilà, pour ouvrir la parenthèse des Mongols, qui c'est leur mère qui les a unis. Elle avait 5 frères. Il y avait 5 enfants, pardon, et 5 frères. Elle a pris 5 bâtons et les a unis. Et elle a montré à ses 5 frères. Elle a dit, si vous restez unis, personne ne peut vous briser. Par contre, si vous divisez, vous serez seul et ils vont vous briser et vous allez être désunis. Donc, elle leur a mis cette métaphore-là, la mère de Genghis Khan, le grand Khan de la Mongolie. سجل التاريخ عباد الله أنه كان اثنين فقط من القادات لم يخسروا معركة قط. L'histoire, mes frères, témoigne qu'il n'y a que 2 généraux qui n'ont jamais perdu une bataille. 2 généraux, ils n'ont jamais perdu une bataille. Ahaduhum kana Genghis Khan, ou Genghis Khan. Parmi eux, c'est Genghis Khan ou Genghis Khan, le Khan, qui est le roi des Mongols. Wal akhar Khalid ibn Walid, radiyallahu ta'ala anhu. Et le deuxième général qui a jamais perdu une bataille, c'est Khalid ibn Walid, qui est un compagnon qui est connu. عندما كان جنجيس خان وأحفاده نهبوا وأهلكوا مسلمين العالم وهذه ليست بمبالغة. Quand Genghis Khan et ses descendants ont saccagé, ils ont dessiné, mes frères, le monde musulman. Et ceci, mes frères, wallah, c'est pas un mensonge et c'est pas une exagération. التاريخ ذكر أنهم وصلوا إلى بولندا وبلغاريا وإلى موسكو لكنهم ذكروا أن ما فعلوه بالعالم الإسلامي لم يكن له نظير في القصوة. Donc l'histoire témoigne, disent qu'ils sont ils sont arrivés jusqu'en Bulgarie, jusqu'à Moscou, en Pologne, jusqu'en Roumanie même. Leur pouvoir. Jusqu'ils ont pris l'Asie aussi, toute l'Asie, Chine et tout ça. Mais par contre, toutes les souffrances du monde musulman aujourd'hui, ce n'est pas comparable avec une partie de ce que la communauté musulmane, mes frères, a traversé sous les Mongols. Leur dureté, leur cruauté. وَفِي السَّنَةِ 114 بعد الهجرة توجه تجار من بلاد المغول إلى مدينة الأطرار الذي كان يحكمها ينال خان من قبل علاء الدين خوارزم شاء. Donc en 614 de l'Hégire, 614 de l'Hégire, c'est-à-dire en 1250 ère chrétienne. En 614 de l'Hégire, des commerçants mongols sont partis dans une ville au nord de l'Iran qui s'appelle Al-Atrar, au nord de l'Iran. Essayez de faire imaginez-vous une carte. L'Iran, la Mongole, c'est un peu au-dessus. Ils ont pris la Pologne, un peu l'Europe de l'Est, toute l'Asie. Donc, des commerçants mongols sont allés juste en Iran, au nord de l'Iran. Et à cette époque-là, c'était Yanal Khan. C'était un gouverneur musulman qui gouvernait cette péninsule-là. ينال خان لما رأى كمية الأموال التي وجدت عند تجار التتار طمعت نفسه الدنيئة وبرر لنفسه قتلهم بحجة أنهم جواسيس. Donc ينال خان quand il a vu Osmo ces commerçants qui avaient beaucoup d'argent, ils avaient beaucoup d'argent. Son âme bestiale l'a poussé à tuer ces commerçants-là et à prendre leur argent-là. Son âme bestiale l'a ordonné à tuer. Bihujjati annahum jawasis. En prétendant, ou la preuve, il disait comme quoi c'était des espions. Et il y a divergence là-dessus. Hein. Dans les historiens, ils disent, il y en a, naam, c'était des espions. Genghis Khan les a envoyés pour espionner les musulmans, donc il les a tués. D'autres ils disent non, il a vu la richesse qu'ils avaient, il les a pris, il les a volés, il les a pillés. واصطفى كل الأموال التي كانت مع هؤلاء التجار. Et il a pris tout l'argent qu'ils avaient, les commerçants mongols, des commerçants mongols. Il leur a tout pris, il les a pillés. فبلغ ذلك الأمر لجنجيس خان فغضب غضبا رهيبا. Donc, l'information est arrivée à le grand Genghis Khan, le grand Khan, le roi des Mongols, et il s'est mis en colère, d'une colère noire. Comment des commerçants sont allés dans une terre musulmane, et ils sont fait piller. « Inqasam al-jayshu ila qismain » Et c'est là que Genghis Khan, il commence à déclarer la guerre aux musulmans. C'est la cause, c'est les commerçants qui sont arrivés au nord de l'Iran, et que Yanal Khan a pris leur argent, ou Genghis Khan les a envoyés pour qu'ils espionnent, ou Genghis Khan les a envoyés pour qu'ils espionnent, pour que ça déclare une guerre si on les tue. Donc il y a plusieurs versions sur cela, mes frères. Donc l'armée de Genghis Khan, des Mongols, elle s'est divisée en deux. Qismun kana yaquduhu huwa. Kana yaquduhu huwa. Wattajaha ila madinati al-Bukhara. Donc une fraction qui est partie en direction de Al-Bukhara. Et c'était lui qui guidait, qui présidait cette armée-là. Genghis Khan, le roi même, lui-même, le roi des Mongols. Ils sont allés à Al-Bukhara qui est en Ouzbékistan, qui est la capitale d'Ouzbékistan. Bukhara, c'est la capitale d'Ouzbékistan. Et de là, yani, il vient le grand imam Al-Bukhari. Comme ça, il a été le livre Al-Bukhari, un grand savant de Al-Bukhari qui n'était pas arabe, qui était là-bas, yani d'Asie, de Al-Bukhara, d'Ouzbékistan. C'est pour ça que l'imam Bukhari vient de là-bas, comme l'imam Al-Albani, d'Albanie, et ainsi de suite. Donc, وَقِسْمٌ قَامَ بِحِصَارِ مَدِينَةِ الْأَطْرَارِ. Et notre fraction de l'armée, ils ont encerclé la ville de l'Atarar qui est au nord de l'Iran, là où il y a eu le vol. Arsala junudan li tamkin li qabd Yan al Khan. Donc il a envoyé des généraux, des gens de l'armée qui sont spéciales dans l'armée, des gens proches, yani, du roi, pour juste attraper Yan al Khan, juste l'attraper vivant. Il me le faut, Yan al Khan. Attrapez-moi le vivant, il a dit, le grand général mongol. Tamakkanu min al qabd alayhi. يعني Yan al Khan. Ils l'ont attrapé, Yan al Khan, qui était musulman, mes frères. Akhadhuhu al tatar Yan al Khan wa dhahabu ila Genghis Khan wa huwa yuhasiru al Bukhara. Donc, ils l'ont attrapé, Yan al Khan, les mongols, et ils l'ont ramené au roi Genghis Khan, qui lui, il était en train d'encercler, d'assiéger la ville de Bukhara qui est en Ouzbékistan. C'est-à-dire, il veut attaquer les musulmans qui sont en Ouzbékistan. Et mes frères, wallah al-musta'an, laqad qatalahu qatlatan shani'atan bashi'atan. Ou bashi'atan, subhanallah. Et il a tué, yani, il a tué d'une mort horrible, mes frères. Une mort horrible. إذ أنه أحضر فضة وأذابها ثم صبها في أذنيه وعينيه حتى ذاب منه دماغه وقتل بذلك Yan al Khan رحمه الله تعالى. Comment il a tué Yan al Khan, le grand général Genghis Khan, mongol, le roi des Mongols? Ils ont pris de l'argent, ils l'ont fait fondre. Puis quand cet argent-là il est fondu, ils l'ont versé dans les oreilles de Yan al Khan, rahimahullah. Et dans ses yeux, jusqu'à que son cerveau, il fond. Wallah, Ikhwan, il faisait des choses à l'époque, yani, a'oudhu billah. Ils utilisaient des manières de tuer, a'oudhu billah. Et Yan al Khan, rahimahullah, le grand gouverneur, est mort de cette mort-là, qui est une mort atroce, mes frères. Mais c'est là que commence de la cruauté de Genghis Khan des Mongols. ثم ذهب إلى مسجد المدينة وظن أنه دار الإمارة. Puis il est allé où? À Wasmo. Il est allé à la Masjid al-Madina, à la mosquée de Al-Bukhara, à la grande mosquée de Al-Bukhara. Attends, je mets l'homme du micro, smahni. Désolé. Et ظَنَّ أَنَّهُ دَارَ الْإِمَارَةِ. Et il a prétendu que c'était la maison du roi. Il a vu une mosquée, il a cru que c'est la maison du roi. سَأَلَ النَّاسَ أَيْنَ الْكُنُوزِ قَالُوا هَذَا مَسْجِدِ. La première chose qu'il demande aux gens, où sont les trésors? C'est la maison du roi, où sont les trésors? Les gens, ils l'ont dit, c'est une mosquée. هَذَا مَسْجِدِ. C'est une mosquée. فَصَعِدَ إِلَى الْمِنْبَرِ. Il est monté sur le mimbar, il a vu le mimbar, il a cru que c'était le trône du roi. وَالْمَسْجِدُ مِلْيَانٌ bil muslimin. Et la mosquée, il est rentré, il s'est assis sur le mimbar, et la mosquée, elle était pleine, remplie de musulmans. Rija'an, nisa'an, atfalan, shuyukhan. Il y avait des femmes, il y avait des hommes, il y avait des enfants, il y avait des personnes âgées. Et c'est lui qui leur a dit, venez tous à la mosquée, je vais vous parler, mais je vais pas vous tuer. Je vais vous parler, mais je vais pas vous tuer. Donc, ils sont tous réunis, les femmes, les enfants, les personnes âgées, les hommes et tout ça. Puis qu'est-ce qu'il dit, هذا, ce khabith, ce lâche, ce traître, يعني, أطعم الخيول العلفة, لقد انقطع العلفة, وهذه إشارة للتتار بإباحة قتل كل مسلمين في هذه المدينة, أو كل المسلمين في هذه المدينة. Puis il a dit quoi? En mongol, il a pas dit en arabe, at'imu al-khuyul al-alafa, laqad inqata' al-alafa, donnez à manger aux chevaux, car il n'y a plus à manger pour eux. Et ceci, mes frères, quand il a dit cela, Genghis Khan, ça veut dire massacrer tout le monde, tuer tout le monde, de ne laisser personne vivant, wa la'udhu billah. Faqatalu al-muslimina kulluhum, yani. Il a tué tous les musulmans qui avaient dans la mosquée, mes frères. Il y avait qui dans la mosquée? Il y avait des hommes, il y avait des femmes, atfal, shuyukh, des enfants et des personnes âgées. Faqatalu 600,000 min al-muslimin, wallahu al-musta'an. Mes frères, combien ils ont tué? Ils ont tué plus de 6000 musulmans. 600 000, pardon, Afouen. 600 000 musulmans. Un demi-million presque. Wallah, c'est énorme, mes frères. Wallah, c'est des... C'est énorme, mes frères. C'est un génocide. Ce qu'il a fait, Hadha Genghis Khan, c'est un génocide, mes frères. C'est pour ça, quand je vous ai dit au début, ce qu'il a fait, lui, c'est pas comparable à la souffrance qu'il y a aujourd'hui du monde musulman. On en souffre aujourd'hui, des ennemis de l'islam, des gens qui rabaissent l'islam, des gens qui humilient les musulmans, des gens qui vont, Yosmo, prendre les richesses de leur pays, les affamer, et eux s'enrichir sur le dos des musulmans, et ainsi de suite. Par rapport à ce qu'il y a eu lui, Allah Moustah. Et ça, c'est qu'un début, mes frères. Ça, c'est qu'un début. Là, on parle d'Ouzbékistan, on n'est pas en Irak encore. ثم ذهبوا إلى Samarkand. Puis après, ils sont partis où? Ils ont tué tout le monde, toute la ville de Bukhara, mes frères. Tout ce qu'il y avait dans cette ville-là, ils devaient mourir. Les animaux, le bétail, ils ont tout brûlé derrière, ils ont tout saccagé. Hein, comme les Mongols, quand ils sont allés à l'Ouzbékistan. Ils sont partis à Samarkand. Samarkand, je sais pas si vous connaissez, c'est, il y a la route de la soie là-bas, c'est connu. C'est à côté de l'Ouzbékistan. Ils ont pris tous les musulmans, ils ont sorti de la ville de Samarkand. Fadabahuhum jami'a. Ils les ont tous, mes frères, ils les ont tous sacrifiés, ils les ont tous, séparé la tête du corps. Subhanallah al-Azim. Ils disent séparer la tête du corps. Wa ba'dama dhabahuhu kullu fard muslim. قطعوا رؤوسهم وصنعوا من رؤوسهم أرهامات أي بعضها فوق بعض. Donc ils ont séparé la tête des corps, mes frères. Ils en ont fait quoi? Ils en ont fait des tas. Une tête au-dessus de l'autre. Une tête au-dessus de l'autre. Imaginez des tas de têtes, subhanallah al-azim. Imaginez-vous ce schéma, mes frères. Ils faisaient ça avant. Ils faisaient ça. Pour faire peur, vraiment. Et pour montrer leur cruauté, pour montrer qu'on est fort, qu'on est invincible. Donc ils tuaient, ils séparaient la tête du corps pour qu'ils étaient sûrs qu'ils étaient morts. Puis ils en faisaient des grands tas. Subhanallah al-Azim. Faqatalu ibadallah akthar min million shakhs. Ils ont tué plus d'un million de personnes. Un million, Yahweh. Un million. C'est pas 200, 300 000. Un million, Yahweh. Donc 600 000 en Ouzbékistan, un million à Samarkand. Ça fait combien? Presque 2 millions. ثم بعد ذلك عباد الله صاروا أمام من صاروا أمام ماذا صاروا أمام خلافة المسلمين ببغداد. Donc ils sont allés où après cela? Ils ont pris la direction de Bagdad, le calife des musulmans. Comme on avait dit, les Abbasides, leur capitale, elle était à Bagdad. Donc eux, on voit les Mongols, quand vous imaginez vous la carte, ils ont pris toute l'Europe de l'Est. Pologne, Russie en haut, au nord, la Pologne, la Bulgarie, la Roumanie, tout ça. Puis ils ont pris la Chine et tout ce qui compte là-bas, tout l'Est, toute l'Asie. Puis après, ils sont attaqués à où? En Ouzbékistan, Samarkand, l'Iran et ainsi de suite. Donc il reste quoi? Quand vous voyez dans la carte du monde, vous imaginez la carte du monde, il reste quoi? Il reste l'Afrique, une partie de l'Europe, l'Amérique et quoi? Et le Moyen-Orient et le Chem. Le Moyen-Orient et le Chem. Wa Baghdad, la capitale Baghdad, كانت أكثر المدن جمالا في العالم. في العالم الإسلامي. Donc c'était l'une de Baghdad à cette époque-là. C'était l'une des plus belles villes du monde musulman. Et son calife, il s'appelait Al-Musta'asim Billah. كان هو الخليفة. Al-Musta'asim Billah. C'était lui le calife. Il s'appelle Al-Musta'asim Billah. Rahimu Allah Ta'ala. Kana huwa al-Khalifa. Fahasaru Baghdad. Wa kanu mi'atay alf muqatil. Mi'atay alfin muqatil. Donc ils ont encerclé, ils ont assiégé Baghdad. Et ils étaient, mes frères, plus de 200 000 Mongols. Guerriers. C'est énorme. C'est énorme. 200 000, mes frères. 200 000 guerriers. Et comme il dit Ibn Kathir et d'autres, ils disent qu'à l'époque, quand les Mongols ont conquis Bagdad, ils croyaient que c'était Ya'juj et Ma'juj. Yani Jog et Magog. Ils croyaient que c'était Jog et Magog. Comme vous savez, Jog et Magog, c'est un peuple qui sont nombreux. Ils sont nombreux. Et tellement ils étaient nombreux, et en plus, eux, les Mongols, ils étaient petits de taille. Ils étaient très petits de taille. Donc, ils ont cru que c'était la fin du monde, subhanallah, quand ils sont arrivés dans Bagdad, tellement ils étaient nombreux. Ils étaient petits de taille. Et ils avaient une dureté, une cruauté quand ils tuaient des gens. Wal'a'udhu billah. Et on ouvre une parenthèse, avant de continuer. Les Mongols, quand ils tuaient quelqu'un, ils lui ouvraient la poitrine, subhanallah. Ils lui arrachaient le cœur vivant. C'était ça leur tuerie, comment ils tuaient des gens. Ils ouvraient la poitrine, naam, vivant, et ils tuaient les gens comme ça. Ils sortent le cœur vivant, et après ils lui coupent la tête ou ils lui font ce qu'ils ont à faire. Et Genghis Khan, il avait fait une espèce de loi dans son pays, Al-Yassar s'appelle ça, une loi, que s'il voyait un musulman sacrifier une bête, l'égorger, comme vous savez tous, nous on égorge, il voyait un musulman sacrifier une bête, eh ben il le tuait comme il tue le musulman comme il a sacrifié la bête. C'est-à-dire on le tue comme il a fait. Pour eux, la bête, on doit la sacrifier. Comment la bête, ils égorgeaient pas les Mongols. Ils prenaient le cœur, pareil, vivant, ils le sortaient, et après, ils mangent la bête. C'était comme ça qu'ils tuaient les Mongols. Les animaux, dans leur rite, dans leur coutume, et les êtres humains aussi. C'est horrible, yani. C'est vraiment quelque chose, yani, de Allah al-Musta'an. Donc, s'ils voient un musulman faire cela, ils le mettent en public et ils égorgent les Mongols. Parce que t'as égorgé la bête comme ça. Tu n'as pas le droit d'égorger comme ton rite tu veux, toi. Non, tu égorges comme la loi des Mongols qui l'ont fait, l'Yasser. Et dans cette loi-là, l'Yasser, il disait que celui qui fait l'adultère, il le tue. Celui qui ment, il tue. Femme-toi là. Ils avaient ce canon-là. Ils ont pris même, ils ont pris des choses de l'islam aussi. Genghis Khan, il avait pris des règles de l'islam, il les a installées dans son royaume. Comme par exemple, si un musulman vit sous l'autorité des Mongols, il paye un impôt, une jizya, et on le protège. Et c'est ce qu'il a fait. Alors que ça, c'est un truc de l'islam, c'est une règle de l'islam. Si on conquiert un pays, les musulmans ils conquiert un pays, yani, on tue les gens pour pas qu'ils se font tuer ou esclaves ou autre, ils payent un impôt, ils sont protégés. Personne n'a le droit de les tuer, personne n'a le droit de les toucher. Donc ça, c'était une parenthèse des Mongols, comment ils tuaient et comment ils tuaient leurs bêtes et les gens. Donc, ils étaient 200 000 à assiéger Bagdad. Et Al-Musta'sim Billah, on va parler un peu de lui. Al-Musta'sim Billah, il était mal entouré. Il était très mal entouré et parmi eux, il y avait Ibn al-Alqami, qui était son ministre. Ibn al-Alqami, qui était son ministre. Et Ibn al-Alqami, il a une page noire dans l'histoire. Ibn al-Alqami, c'était un chiite, premièrement. C'était un lâche. Il voulait faire tomber le calife. Il voulait le faire tomber. Il le détestait, en plus. Il détestait les gens de la sunna. Il détestait les sunnites. Ibn al-Musta'sim Billah, il donnait pas de l'importance à l'armée. Il donnait pas de l'importance à protéger les frontières contre les ennemis. Yani, comme il disait Ibn Kathir et d'autres, il s'adonnait à la musique, au chant, yani, aux femmes et ainsi de suite. Jusqu'à qu'ils disent qu'une fois il était, c'était son esclave, wallahu a'lam, c'était son esclave, na'am, elle dansait devant lui, alors qu'une flèche est venue la tuer, alors qu'il était dans son palais. Cette flèche, elle provenait de qui? Des Mongols. Parce qu'ils ont assiégé Bagdad. Donc, ça se voyait, comme disent les historiens, il donnait pas de l'importance qu'il allait se faire attaquer, et ainsi de suite. Il était dans son palais tranquille, en train d'assouvir ses yeux avec son esclave, et ainsi de suite. Et, comment il s'appelle, Ibn al-Alqami, il a dissous l'armée aussi. Il a enlevé beaucoup de personnes de l'armée, il n'a pas construit d'armes, il n'a rien fait. Il donnait plus d'importance à la protection de l'Empire musulman. Et ça a fait que l'Empire musulman est devenu faible. Il disait qu'ils avaient même 10 000 soldats, subhanallah. Il restait 10 000 soldats pour protéger le calife, c'est-à-dire l'Empire musulman. Donc c'est énorme, mes frères. Comparé à 200 000 guerriers qui assiègent Bagdad et 10 000 soldats, que Ibn al-Alqami, le lâche, le traître, a dissous l'armée. Et Ousmo, il n'était pas trop au courant de ça. Al-Musta'sim Billah. Le grand calife, il n'était pas au courant que son armée, elle se dissoudait au fur et à mesure. Donc c'est pour ça le wazir, les ministres et tout ça qui sont autour de ces gens-là, quand ils sont mauvais, ils peuvent être la cause de la perte du pouvoir ou la perte des musulmans. Et هذا ابن العلقمي, il s'est allié avec Holako. Donc Genghis Khan, il est mort. Et c'était Holako qui est le petit-fils de Genghis Khan. Son petit-fils, il est encore pire que son grand-père, qui est Genghis Khan. C'est lui qui avait l'armée, qui avait qui avait le pouvoir, qui était le général, qui était le grand, le Khan, yani, pour faire tomber l'empire abbasside, et qui était autour de Bagdad avec ses 200 000 guerriers. Et ils sont arrivés même de l'ouest, sans que personne les voie. De l'ouest de Bagdad. Donc, Bagdad, elle a été encerclée du nord et à l'ouest. Qui les a aidés dans cela? Les amis de Ibn al-Alqami, le chiite, qui s'est allié aux Mongols à Holako, contre les musulmans. Subhanallah l'Azim. Subhanallah l'Azim. Et comme on dit, comme j'ai dit au début, l'histoire se répète, mais elle se répète pas exactement, elle se répète à peu près. L'histoire se répète, mais elle se répète pas, comme aujourd'hui on voit. Qui s'allie aux ennemis d'Islam? Contre qui? Contre les gens de la Sunna. C'est les Rafida, les chiites. Les chiites, ils s'allient aux ennemis d'Islam pour tuer les musulmans, pour tuer les sunnites, pour les... Et on les a vus. Regardez, en Irak, Ibn al-Alqami, le ministre, il s'est allié aux Mongols pour faire tomber le califat et tuer les musulmans sunnites. Aujourd'hui, en Irak, qu'est-ce qui s'est passé à l'époque? En 80, au Smoed, il n'y a pas longtemps. Ils se sont alliés aux ennemis d'Islam pour faire tomber les sunnites. Regardez les prisons. Qu'est-ce qu'ils font les chiites aux musulmans sunnites, en prison, en Irak, là-bas. Wallah al-Musta'an, mes frères. Les tortures qu'ils leur font faire. Ils les brûlent vivants. Parce qu'ils s'appelaient Omar, et ainsi de suite. Ils ont détruit toutes les mosquées sunnites. Yasluhu, ils ont ce salakh, wala'udhu billah, comme ils ont fait en Iran aussi. Le salakh, c'est quoi, mes frères? Ils enlèvent la peau d'une personne de son crâne jusqu'à ses pieds vivants. Salakh, wala'udhu billah. Ils font ça, les Iraniens, aux sunnites. En Iran, ils ont fait ça. Ils l'ont fait au Bagdad. Et ils l'ont fait même à l'époque en Tunisie, al-Mahdiya. Quand il y avait, Fatimiyoun, yani, l'empire fatimite, c'était un empire qui était chiite, qu'ils ont tué un grand savant, et qu'un juif, c'est lui qui a été ordonné par le gouverneur chiite de Yasrir, d'enlever la peau de ce grand savant, mais ce juif, il avait de la peine tellement il créait le grand savant, il a fait quoi? Il a pris un couteau, il l'a mis dans le cœur. J'oublie le nom du savant, mais c'était un grand savant. Il l'a mis dans le cœur pour qu'il meure, pour pas qu'il souffre de cela. Wala'udhu billah, qu'Allah nous préserve de cela. Ils avaient une cruauté, frère, avant. Yani, wallah al-musta'an. Sur ça, l'histoire, elle se répète. Ibn al-Alqami s'est allié à qui? À Holako. Pour faire tomber le calife des musulmans. Subhanallah. Sur ça, Ibn al-Alqami, il a une histoire noire dans l'histoire. Quand on entend Ibn al-Alqami, c'est comme Musaylim al-Kadhab. Musaylim al-Kadhab, c'est qu'il s'est prétendu prophète. Non, mais il s'est prétendu messager. Allah, aujourd'hui, quand on dit Musaylima, on dit le Musaylima, le menteur. Il arrive à l'époque d'Abu Bakr et tout ça. Et Abu Bakr l'a combattu. Tandis qu'Abu Bakr, par contre, on dit Abu Bakr le Siddiq. Abu Bakr le véridique. Musaylima le Kadhab. Musaylima le menteur. Donc, Ibn al-Alqami, le traître, le lâche, qui a trahi sa umma, qui a trahi la communauté. Donc, Al-Musta'asim, on revient, on ferme la parenthèse, le calife, akhadha ra'i مستشاريه وقالوا أفضل شيء تذهب وتطلب معاهدة. Donc المستعصم il voit voir ses conseillers et tout ça. Il a dit la meilleure des choses c'est que on fait un pacte avec eux. Il y a 200 000 Mongols autour de Bagdad. On est encerclés, on est assiégés. Le mieux c'est qu'on trouve un pacte avec eux. قال هولاكو. Donc retenez bien ce nom هولاكو qui est le petit-fils de qui? De Genghis Khan. إن كنت قال إن كنت قادما على الخروج لا تخرج بمفردك أحذر معك مستشارك والعلماء. Donc Holako, le général mongol, qui dit à Al-Musta'asim Billah, ne viens pas seul, ne viens pas tout seul. On va faire une assise, on va faire un compromis, mais ne viens pas seul. Ramène avec toi toute l'élite de Ousmo. de l'Empire. Et les savants, les ulama. Un message. Je ne peux pas lire les messages et en même temps faire le dals. Photo. Donc, je reviens à Smahni, les frères. On en était où déjà? Donc, ne sors pas tout seul, il lui a dit Holako. Ramène tous tes conseillers et avec tes savants, les ulama. Et dans les recherches que j'ai fait, tout ça, que j'ai recherché tout ça, on trouve que la liste des ulama qui a été dictée à Holako, c'était des ulama de Ahl Sunnah. Qui a fait cette liste, mes frères, à votre avis? Qui a fait cette liste? C'est Ibn al-Alqami, le lâche, le traître, le chiite. Il a fait la liste à Holako de tous les ulama de Ahl Sunnah de venir dans cette réunion-là. Et comme vous savez, les Mongols, ils n'ont pas de pacte. C'est des lâches. Et beaucoup de savants, ils ont dit non, le Mustasim, ne te rends pas là-bas, on va pas là-bas. Pourquoi? Parce que n'oublions pas ce qu'ils ont fait à nos ancêtres en Ouzbékistan, à Samarcande. Ils étaient informés déjà. Ils étaient informés de ce qui du bain de sang qu'ils ont fait, qu'ils ont dit rentrez dans la mosquée, on va pas vous tuer. À la fin, ils les ont tous tués, wa la'oudou billah. Donc ils disent hadhum la ahdalah. Ils ont pas de pacte, ils ont pas de parole. Et même dans l'histoire et tout ça, ils disent, certains savants, quand vous voyez tout ça, ils disent pourquoi les musulmans sont fait attaquer à Bagdad. Ils disent parce qu'ils ont délaissé les musulmans qui étaient en Asie. Ils ont demandé de l'aide en Ouzbékistan, ils ont demandé de l'aide au calife de Bagdad. Parce que les Mongols nous ont attaqués, nous ont tués, nous ont si, mais ils prêtaient pas attention. Ils faisaient pas attention. Ils donnaient pas d'importance à cela jusqu'à que ça arrive devant chez lui, subhanallah. Devant, dans son palais, carrément. Une flèche qui a touché son esclave, qui est en train de danser devant lui. Donc, ils donnaient pas d'importance à cela, de protection des musulmans et la défense des musulmans. Donc, à la fin, l'idha, kharaj al-musta'asim, wa ma'ahu, sab'as. Et avec lui, il y avait Al-Musta'asim 700 hommes. Et la khima, la tente de Holako, il n'y a que 80 personnes qui peuvent rentrer dedans. Les 700 personnes, ils ne peuvent pas rentrer dedans. Ils ont pris tout le reste, ils ont pris 80, ils rentrent dans la tente, tout le reste, ils ont pris... ils les ont déshabillés, ils leur ont dit on va voir si vous avez des armes, mais ils les ont pas déshabillés, Rouhani, pour voir s'ils avaient des armes. Non, ils les ont déshabillés et après ils les ont décapités, subhanallah, comme des lâches. Et avec qui mes frères? Des grands ulama. Wa akhadhu al-baqiyya wa dhabahu kullu wahid minhum. Al-an al-musta'asim yaqif fi mahkama, yaqifu fi mahkamatin. Donc, ils ont pris tous les ulama, avec leurs femmes, mes frères, leurs enfants, ils les ont tués, sans aucune pitié, les Mongols. Quand le Musta'asim, il a vu cela, il a compris qu'il était maintenant, c'est comme une mahkama, c'est, il y a un tribunal, on va me juger. Kana rahimu Allah, al-Musta'asim, yuwabbihu, wa yu'aqabu, wa yarta'ish, amam hulaku. Il s'humilia. Il avait peur. Il tremblait de peur. Devant qui? Devant Holako. ثم جاءوا بأولاده أمامه أحمد وعبد الرحمن. Ils ont ramené ses enfants devant lui. Parmi eux, il y avait Ahmed et Abd al-Rahman. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont sacrifié la tête de son fils. Ils l'ont coupé la tête. Ils l'ont tranché la tête de ses deux fils, Ahmed et Abd al-Rahman. Devant lui. فَذَبَحُ أَوْلَادَهُ وَاحِدٌ بَعْدَ وَاحِدٌ أَمَامَهُ. Un par un, il les a fait. Holako. Il a tranché la tête de ses enfants devant lui. Wallahi, ikhwani, Allah al-musta'an. C'est vraiment une épreuve. Nous, quand on a des enfants, imaginez-vous le, comment le musta'asim billah, il se sentait. Comment il était. En voyant tous ces savants, avec leurs enfants et leurs femmes, les élites, de son état se faire massacrer, puis il voit ses deux enfants devant lui se faire trancher la tête et il peut rien faire. Subhanallah al-Azim. رحمه الله تعالى المستعصم بالعنا وبعدها جاءوا بأخواته أمامه وأمام عينيه فقتلهن سبحان الله فقتلهن. Ils ont amené ses sœurs aussi, Fatima, Maryam. Ses sœurs, ils l'ont ramené devant lui et ils ont, il a, les Mongols ont tranché la tête de ses, des sœurs de Al-Musta'sim Billah, du grand calife de l'islam. وبعد بالعلماء وبدأوا بقتل كل علماء السنة. Ils ont après tué tout ce qu'ils avaient dans la liste qu'il leur a préparé Ibn al-Alqami, les savants de la Sunna. فقال هلاك لخليفة المسلمين سوف أتركك حيا لفترة. Et mais le هلاك il dit au calife des musulmans, au grand calife, je vais te laisser vivant mais pour une période. Pour une période, je te laisse vivant, mais je vais pas te tuer maintenant. وسبب تركه حيا أنهم أرادوا الرجوع به إلى بغداد وأن يقول للرجال لرجاله أتركوا أسلحتكم لذا أخذوه لبغداد. Donc ils l'ont gardé vivant avec lui. Ils l'ont enchaîné, bien sûr, comme disent les, ils l'ont enchaîné et ils marchaient à pied et Holak le tenait. Ils sont rentrés dans Bagdad et il leur a dit de dire à aux musulmans de pas prendre les armes. De dire aux musulmans et aux peu de guerriers qui restent, on avait dit le nombre de 10 000 à peu près, hein, de ne pas prendre les armes contre nous, contre les Mongols. C'est-à-dire qu'ils rentrent, Holaku, en paix à Bagdad, sans que il y a aucune altercation. لذا أخذوه لبغداد. Donc ils l'ont gardé vivant pour cette cause-là. Le calife il est là, il vous ordonne de pas prendre les armes. Donc ils sont obligés d'obéir au calife. Ils sont obligés d'obéir au calife. Alors que certains, ils ont attaqué l'empire Bagdad, ils ont commencé à venir de l'ouest et d'attaquer l'empire. Et il y en a d'autres, ils se sont défendus. Ils n'ont pas attendu le calife qui leur dit oui ou non. Ils sont défendus. Mais ils étaient trop nombreux, les Mongols. Ils se sont fait massacrer un parmi un. Mais on va pas détailler sur cela. Car sinon, on va rester toute la nuit à parler de cela. ثم قال هلاكو. Maintenant, il dit هلاكو. إن دماء المسلمين حلالا خلال 40 يوما. سبحان الله العظيم. Une fois que personne n'a résisté à هلاكو, ils sont rentrés à Bagdad, il a donné l'ordre, il a dit quoi? Le sang des musulmans est halal pendant 40 jours. Inna dima al-muslimin halal. Pendant 40 jours. Tuer tout le monde, ça veut dire. Tuer et massacrer tout le monde. Yazbahoun al-muslimin khilal 40 yawman ibadallah. Il massacre, il assiège la ville, il torture, il tue, il viole des musulmans pendant 40 jours, mes frères. Wa lam yakun 'indahum asliha aliya kanu yaj'alun al-muslimin yastafun. Donc ils n'avaient pas d'armes pour les combattre. Ils avaient rien, les musulmans, pour les combattre. Pourquoi? On revient à Ibn al-Alqami, il a mis son armée à sac, l'armée de Ousmi, il a dissous son armée. Il les a arrêtés, il donnait plus d'importance aux armes. Et il a dit jusqu'à qu'il a dissous d'armée, jusqu'à qu'il reste 10 000 personnes, les frères. Ils avaient plus de quoi se défendre. Wa yakhtaruna minhum kama, na'am, yaqtuluna 40 tiflan. بعد أن يقتلوا أمهاتهم. يعني ils tuent 40 enfants après qu'ils ont tué leur propre mère. Ils tuent les enfants et ils tuent leur mère. والمسلمون لا حول لهم ولا قوة إلا هم لهم. يقتلون الشيوخ والأطفال والنساء إلا المحسنات كانوا يأخذوها أو يأخذوها صبيا. Donc ils tuaient tout le monde, mes frères. Les vieillards, les personnes âgées, les enfants, les femmes, sauf al-muhsanat, des femmes qui sont belles. Des femmes qui sont belles ou qui sont attirantes, qu'est-ce qu'ils font? Ils les gardent comme esclaves, si bien. Quloub ya ibadallah, quloubun kal-hijara. Ils ont des cœurs comme des pierres, les Mongols. Wal muslimuna la difa'a lahum. Ils ne peuvent pas se défendre, mes frères. Ils ont aucune défense. ولا مقاومات كل هذا والخليفة حي يرى العذاب بعينه. Tout cela, mes frères, le calife il est vivant, Al-Musta'asim billah. Il est vivant et il voit son peuple se faire massacrer devant lui, devant ses propres yeux. Et qu'est-ce qu'il disait, rahimahullah, Al-Musta'asim billah, miraran, tout le temps il disait, ya laytani mittu qabl hada. J'aurais dû mourir avant cela. J'aurais dû mourir avant cela. Et naam, mes frères, c'est un adab. Wallahi, mes frères, c'est un adab. De voir sa famille se faire exécuter devant lui, de voir ses enfants, ses sœurs, son empire qui tombe. C'est vraiment, il a dit miraran, plusieurs fois il dit quoi? Ya laytani, j'aurais dû mourir avant cela. Ba'da 40 yawman, après 40 jours, mes frères, de massacre à Bagdad, dakhala hulaku. Hulaku, il est rentré. وأعطى الأمر بأن القتل يجب أن يتوقف. Il a donné un ordre de quoi? Que d'arrêter de tuer les gens, d'arrêter de tuer, de massacrer les musulmans. Mais il a pas dit ça, mes frères, clémence envers les musulmans. Attention. Pendant 40 jours, mes frères, ils tuent. Bagdad, il y avait plus d'un million d'habitants. C'est plus d'un million. Et c'était énorme là-bas. C'était une grande ville, comme aujourd'hui. C'est une grande capitale. C'est une grande ville. Il y a beaucoup d'habitants. واعلن هولاكو الامن الحقيقي الامن الحقيقي c'est-à-dire il a dit هولاكو il a a'lana il a proclamé la sûreté mais une vraie sûreté الحقيقي pourquoi parce que avec eux il donne des paroles mais ils les tiennent pas il dit vous êtes protégés mais il les tue il les massacre واعلن هولاكو الامن الحقيقي انه لم يقاتل مسلم قط لان المدينه اصبحت بجثتي متعفنة في شوارع بغداد. Et voilà. La cause pourquoi il a arrêté la tuerie. Pourquoi? Parce que la ville, il y avait une puanteur de cadavres. Il y avait des morts qui se décomposaient dans la ville de Bagdad. C'était insupportable. Ils avaient peur d'avoir l'épidémie, une épidémie, la peste ou autre. Donc ils ont dit arrêtez, stop, easy. Il a pas ordonné d'arrêter de tuer les musulmans, clémence envers eux. Là, il a arrêté parce que la ville, elle était insupportable de l'odeur des cadavres et de la décomposition des morts. Ils avaient peur d'avoir une épidémie qui se propage et qui meurt eux-mêmes, les Mongols. Khafa ala nafsihi wa jayshihi min al marad. Il avait peur pour lui et son armée de la maladie. Qala al hafid ibn kathir, wa man naja min al ta'an, ay al suyuf al tatar, lam yunja min al ta'un. Donc celui-là qui est épargné, Ibn Kathir, Hafid Ibn Kathir, qui dit dans Al-Bidayah wa Nihaya, comme je l'ai dit, le grand savant Ibn Kathir, la plupart c'est de lui hein, tout ça. Hein. Et c'est un grand historien, un grand muhaddith aussi. Celui-là qui a été épargné de l'épée des Tatars, il ne sera pas épargné de la peste. De la peste, pourquoi? Parce qu'avec tous ces morts, ça peut créer une peste. فَقَالَ هُلَاكُ بِخُرُوجِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ. Et il a ordonné à Hulak que les musulmans sortent de tous les endroits, de tous les endroits. Sortez. Pourquoi ils étaient où, mes frères, les musulmans? وَقَدْ حَفَرُوا مَقَابِرْ وَكَانُوا يَخْتَبِئُونَ بِهَذِهِ الْقُبُورِ يَخْتَبِئُونَ يعني, ils se cachaient dans des tombes. Ils se cachaient dans des tombes. Subhanallah. الْكَثِيرُ أَكَلَ الْكِلَابُ وَالْقِطَاطِ هَنَعَمْ حَتَّ الْجُثَ Subhanallah. Beaucoup ont mangé, comme dit Ibn Kathir, des chiens. Des chats, ils ont même mangé des cadavres, subhanallah. Ils avaient rien à manger. Et ils disaient qu'ils se cachaient même sous les cadavres. Les musulmans, ils se cachaient sous les cadavres tellement ils avaient peur de la barbarie des Mongols. Ils se cachaient des jours et des jours, ils doivent manger. Ils mangeaient, subhanallah, ce qu'il y avait. C'était vraiment insupportable. Une ville qui a été massacrée, une ville qui a été assiégée, une ville où il y a la puanteur, il y a les cadavres décomposés, ses amis, sa famille. Subhanallah. Amara hulaku bil muslimin an yudfinu aqaribahum. Subhanallah. Azab fawqa azab. Maintenant, il a ordonné quoi, hulaku? Le petit-fils de Genghis Khan. Il a ordonné aux musulmans d'enterrer vos morts. Enterrez-les-vous vos morts. Et ça, mes frères, imaginez-vous le travail et la patience qu'ils ont dû avoir les musulmans face à cela. Premièrement, voir leurs proches, leurs amis, leurs voisins, ça peut être ton enfant, ta femme, devant toi ou tes enfants, tu les enterres toi-même. Eux, ils te tuent, et en plus, toi, tu dois les enterrer. عذاب فوق عذاب, ان شاتيمون اوتسو دان اوت شاتيمون. سبحان الله العظيم. هذا عمل شاق جدا. Et c'est quelque chose qui est très difficile, qui est pénible. Malyoun, ya ikhwani. Un million de personnes, ils ont tué à Bagdad. Un million de personnes. On revient. Un million à Samarkand. Un million à Bagdad, ça fait 2 millions. 600 000 à Samarkand. On est à 2 millions. On est à presque à 3 millions de musulmans qui ont été tués à l'époque des Mongols. Ça n'a rien à voir, mes frères, comme je vous ai dit, avec les souffrances qu'il y a aujourd'hui. وبعد هلاكه قال المستعصم بالله اعطيني ثورتك. انا كومي او انا دي باسي لي زور لا يا فرا 1h04 je termine avec ça inchallah. Qu'est-ce que je fais, je termine deux pages et ou je continue la prochaine fois les frères? J'ai pas vu le temps passer hein, dans les histoires yani, des fois quand on lit on s'arrête pas, et quand on écoute subhanallah c'est... Est-ce que je continue les frères ou j'arrête, Inch'Allah? Quelqu'un il peut m'écrire, barakallahu fikoum, sur WhatsApp, un ou deux personnes. Est-ce que je continue ou j'arrête? On continue ça la prochaine fois, Inch'Allah. Al-Muhim, les frères, que vous avez bien retenu les noms. Surtout ces noms-là, car vous allez les entendre souvent dans les livres, vous allez les voir souvent dans les livres. Et quand on mentionne cela, vous connaissez Holaku, Genghis Khan, Mustasim Billah, les Abbasides, les Omeyyades et les Ottomans qui sont arrivés bien sûr après les Abbasides. Allez là, je continue. Taïb, on continue 10 minutes maximum. Bissoura. Donc, Dakhala, Holaku, qu'est-ce qu'il a fait? Je fais en français directement les frères, hein. Comme ça, moi, ça va plus vite qu'en français. Je fais pas en arabe. Holaku, il a pris le calife maintenant, le Musta'sim Billah. Il lui a dit, donne-moi toute ta fortune. Il est rentré dans le Qasr, dans son palais, et le kunuz qu'il y avait, en dessous de son trône, c'était une richesse, mes frères, de 500 années. C'est des richesses de 500 années de l'empire abbasside, car il a tenu que presque 500 ans. L'empire abbasside. C'était les richesses de leurs ancêtres. Et ils sont venus, les Mongols, en un seul jour. Ils ont pris toutes les richesses de 500 ans de récolte. Subhanallah al-Azim. Imaginez-vous. Ils ont pris le Musta'sim, le calife, ils l'ont mis en prison. Et ils l'ont affamé. Jusqu'à qu'il meure de faim. Et le Musta'sim, il demande quoi? Moustasim, il demande de l'eau, il demande qu'on le ramène à manger. Et Holaku, qu'est-ce qu'il fait? C'est quelque chose d'intelligent quand même, il avait fait, mais c'est vraiment pour humilier les musulmans, mais il avait une parole, il avait des choses véridiques dans cela. Il a dit, Holaku lui a dit, je te ramène à manger. Il lui a ramené un grand plateau avec de l'or. Il lui a dit, tiens, mange. Holaku, il a ramené Al-Mustas, c'est mon grand calife, t'as faim? Il lui a ramené un plateau d'or. Il lui a dit, tiens, mange. Qala rahimullah Al-Mustas, ma hadha? Je peux pas, c'est quoi ça? Je peux pas manger, c'est de l'or. On peut pas le manger de l'or. Et là, Holaku, qu'est-ce qu'il lui dit? In kunta la tastati aklahu, falima khazantahu. Si tu peux pas le manger, pourquoi tu l'as caché? Pourquoi tu as caché cela? Pourquoi tu l'as pas donné à tes hommes et formé une armée pour qu'ils nous combattent? Subhanallah. Comme ça, il a dit Hula, quoi. Pourquoi tu l'as pas donné à tes hommes et formé des hommes, cette richesse-là, pour te protéger, pour nous combattre? Pourquoi tu n'as pas construit des flèches au lieu de faire des grandes portes en fer? Pourquoi tu n'as pas construit des arches et des flèches pour protéger ton royaume? Pourquoi? Et qu'est-ce qu'il lui dit, le Musta'sim Billah, le grand calife, il lui dit quoi? Qaddar Allah. Il lui dit, Allah m'a destiné cela. Et Holaku lui dit, Holaku, ana sawfa urika qaddar Allah. Il a dit, Holaku, moi je vais te montrer maintenant ce qu'Allah t'a destiné. Ja'aluhu dakhilu sajjada. Ils l'ont mis à l'intérieur d'un tapis. Et les Mongols, dans leur tradition, mes frères, ils avaient comme coutume que les rois, les rois et ainsi de suite, les empereurs, les chefs de tribu, c'était interdit de verser le sang, que le sang il était pur, il était sacré, donc il faut pas le verser sur terre. Dans leur coutume, ils décapitent pas un roi, ils le tuent pas un roi, ils le tuent d'une autre façon. Ils le mettent dans un tapis, ils l'enroulent dans le tapis, ils le mettent au milieu et les chevaux ils passent, aller-retour, plein de chevaux au galop. Il passe jusqu'à que la personne ne bouge pas. C'est-à-dire il se fait piétiner, subhanallah al-azim. Il se fait piétiner jusqu'à la mort. Wala'oudhu billah, quelle mort atroce. Étouffé dans quoi? Dans un tapis. C'est comme ça qu'ils tuaient les rois et les gouverneurs et autres, les Mongols. Donc ils ont pris al-musta'asim billah, ils l'ont mis dans un tapis, ils l'ont enroulé, aynam, et ils l'ont écrasé avec les chevaux. Ils l'ont écrasé jusqu'à qu'il meure. Et il est mort comme ça. Al-musta'asim billah, rahimu Allahu ta'ala. Qu'est-ce qui se passe, mes frères? Il se passe que il n'y a plus de calife. L'empire abbasside, il est tombé sous les Mongols. Et qu'est-ce qu'ils ont fait les Mongols aussi, mes frères, encore? Darul Hikma, dans une grande maktaba islamique, il y a plus de 1 million d'ouvrages. Ils ont été jetés dans l'Euphrate. Le tigre. Et jusqu'à qu'ils disent les historiens que l'Euphrate, il était rempli de livres. Et qu'il était noir. La couleur de l'eau, elle était noire. Pourquoi? Tellement il y avait de livres et l'encre des livres, il a été enlevé. Avec l'eau. L'eau, elle était noire, subhanallah, tellement il y avait de livres. Des millions. C'est comme ça les ennemis d'islam. Dès qu'ils rentrent dans un pays, la première chose qu'ils font, c'est qu'ils tuent les savants et ils jettent leurs livres. Donc Hulak, il a vu que c'était très difficile de rester à Bagdad, il avait peur d'une épidémie. Il est parti avec la richesse des musulmans. Puis après, mes frères, qu'est-ce qui s'est passé? Les musulmans, ils restaient quoi comme partie de l'empire musulman? Ils restaient l'Égypte. Ils restaient l'Égypte et l'Afrique du Nord. Mais dans cette période-là, après 80 ans, mes frères, de colonisation des Mongols, les Mongols, ils sont rentrés en islam. Dakhalou l'islam. Ou asbahou soufara l'islam. Ils sont devenus même des soufara. On appelle ça les soufara. Et au bout de ma langue, soufara, c'est des, qu'ils envoient à l'étranger. Hassib, ça va venir. Liana, هناك رجال ونساء تحملوا هم الدعوة. Pourquoi? Parce que des hommes et des femmes, ils ont prêché à l'islam, ils ont patienté et ils ont donné leur temps à l'islam. Ils ont fait la da'wa, ils ont appelé Allah Azza wa Jalla à son prophète, c'est malgré qu'ils ont été colonisés. Et c'était en Égypte après que, là on arrête là, inshallah, on fera une prochaine fois, inshallah, binillah, Bertissar, qui sont rentrés en islam et qui avaient Saifuddin Qutuz rahimahullah, qui a fait une grande bataille et qui a vaincu les Mongols, et beaucoup de Mongols sont rentrés en islam. Baraka Khan aussi, c'était l'un des cousins de Gengis, de Hulaku, et ainsi de suite. Donc on termine là, les frères, barakallahu fikum. Je vais pas n'taoulou, il est tard. C'était l'histoire à peu près, voilà, des Mongols, Bertissar. Si vous voulez voir ça, vous trouvez dans Al-Bidayah wa Nihaya d'Ibn Kathir. Fahmt, Ibn al-Athir aussi, il a écrit sur eux, Ibn al-Khaldun et d'autres, yani, alhamdoulilah, des grands savants de l'islam qui ont parlé sur cela. Soufara, c'est, attends, je regarde le frère ce qu'il m'a écrit. Soufara, on va dire les ambassadeurs, Ahsan, ceux qui vont à l'étranger, des ambassadeurs. C'est devenu des ambassadeurs de l'islam, les Mongols. Ils se sont convertis en islam. Mais après, dans leur conversion, il y a eu des mauvais musulmans. Ça veut dire, ils sont rentrés en islam, mais qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils buvaient de l'alcool, ils faisaient zina, ils violaient, ils faisaient piller. Et c'est pour ça qu'Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il est venu après, à cette époque-là, juste après. Ibn Taymiyyah, rahmatullah alayhi, il est venu, il a combattu les Tatars, les Mongols, hadhom. Et il a fait même une fatwa, parce que les gens, ils avaient un doute. Ils avaient un doute de leur islam. Ils faisaient de toutes les perversités. Ils avaient un grand doute. Donc, qu'est-ce qu'on faisait? Mais ça, il y a une grande histoire. Yani, c'est vraiment long. On terminera une prochaine fois, Inch'Allah.